à 6 heures. Mercredi 25 février, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec France Culture, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter Un autre jour est possible, votre réveil culturel de 6h à 6h30 ou quand vous voulez en passant par le podcast ou l'écoute en ligne disponible entre autres sur franceculture.fr. Dans un instant, notre tête chercheuse Elisabeth D. Depuis lundi, elle nous raconte un pays qu'elle a adopté, puisque ça fait une trentaine d'années qu'elle vit en Indonésie. L'Indonésie au centre de rien et au carrefour de tout. C'est dans un instant le troisième épisode. Et puis, en deuxième partie de l'émission, je serai avec le musicien Areski Belkacem. Chercheuse cette semaine avec Elisabeth D. Inandiak pour parler de l'Indonésie au centre de rien et au carrefour de tout. Et aujourd'hui, troisième épisode, l'intelligence de l'éphémère, où on va revenir sur ses expéditions vers les îles sans nom. Elisabeth D. Inandiak, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi ces expéditions? Pour non seulement compter les îles, mais comme le disait les Nations Unies, pour les nommer. Car une île qui n'a pas de nom n'a pas de propriétaire. Donc, après 4 ans à peu près de multiples expéditions assez folkloriques, dont j'ai été témoin pour l'une d'elles, le compte a été fait et il a été déposé aux Nations Unies. Donc, le chiffre officiel est de 13 466 île. C'est le chiffre qui est déposé aux Nations Unies. Simplement, quand on lit les documents officiels, même encore de l'Indonésie, on parle toujours de 17 000 et quelques îles. Donc, c'est toujours pas remis à jour et ce mythe continue à être véhiculé. Et pourquoi il y en a moins que prévu? Parce que, c'est comme les cartes d'identité. Vous savez, en Indonésie, les gens, maintenant, ça commence à être moins fréquent, mais les gens avaient plusieurs cartes d'identité. Sur l'une d'elles, ils étaient célibataires, sur l'autre, ils étaient mariés, sur l'un, ils étaient de telle religion, sur une autre, ils étaient de telle autre, ce qui permettait une certaine flexibilité pour trouver du travail, pour épouser quelqu'un de nouveau, etc. Et donc, les îles... Ce qui prouve que, voilà, c'est... Et certaines îles avaient plusieurs noms. Enfin, la même île avait plusieurs noms. Il y en avait qui n'avaient pas de nom, mais il y en avait qui avaient plusieurs noms. Donc, il y en avait plus que prévu. Et on en comptait plus que prévu, donc il y en a moins que prévu. Alors, comment on peut vivre dans un archipel? C'est-à-dire, pour tout ce qui est côté administratif, est-ce que tout est centralisé sur l'île de Java ou est-ce que c'est un état-archipel décentralisé? Est-ce qu'on parle plusieurs langues? Comment on se retrouve? C'est quoi la constitution de ce pays aujourd'hui, l'Indonésie, Elisabeth D. Inandiak? Donc pendant toutes les années de la dictature, donc de 1965 à 1998, l'État était très centralisé, très javanisé, très java. On parlait même d'un empire des javanais. La bureaucratie javanaise avait voulu javaniser toutes les autres ethnies et le dictateur, le général Suharto, était d'origine javanaise, de paysan, et il a transformé ce pays qui avait déjà cette tendance à un empire agricole en plus, et il a totalement tourné le dos à la mer, ce qui n'était pas nouveau, ce que les puissances coloniales avaient provoqué aussi en prenant le monopole des mers. Du coup, les Indonésiens s'étaient repliés à l'intérieur des terres économiquement, etc. Ils ne pouvaient plus circuler, plus commercer sur leurs mers. Donc, c'est un ancien phénomène, mais qui s'est encore a été accentué par la dictature. Donc, ce retour maintenant de la démocratie est aussi un retour vers cette histoire d'État archipel et de centre maritime, d'État maritime. Alors, un retour à la démocratie dans un monde qui bouge avec la fin des deux blocs, d'une part, la montée de l'intégrisme musulman ou dit musulman, comment l'Indonésie, au centre de rien, va devenir au carrefour de toutes ces actualités politiques ? Donc, à la chute de la dictature, beaucoup d'experts avaient dit que l'Indonésie ne résisterait pas, son empire, l'empire des Javanais, allait se disloquer, que des tas d'îles allaient demander leur indépendance. Or, ça ne s'est pas du tout produit, c'était très surprenant. Il y a eu le Timor-Leste qui a eu son indépendance après un référendum et des suites assez violentes et sanglantes. Mais c'était un territoire qui avait été annexé par la dictature récemment, quoi, enfin, dans les années 70, donc c'est autre chose. Mais le reste de l'Indonésie est resté ensemble. Même la province très rebelle d'Aceh, où il y avait une guerre civile depuis 25 ans, s'est rangée et est rentrée dans le giron indonésien. Ça a été facilité par le tsunami qui a fait beaucoup de morts là-bas et qui a permis finalement la fin de la guerre. Mais quand même, et je me suis toujours demandé pourquoi, c'est très curieux, pourquoi ce pays tient ensemble ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, il y avait un mythe qui disait comme ça, mais l'Indonésie s'est constituée en 1945 sur les anciennes frontières coloniales hollandaises. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qui était colonialisé est devenu indonésien. Ça, c'est vrai historiquement et légalement, je crois. Et donc, ce qui n'était pas colonie, ce qui était colonisé par les Hollandais, par les Portugais, comme le Timor oriental, par exemple, ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée, est devenue indépendante parce qu'elle n'était pas colonisée par les Hollandais. Mais le reste est rentré dans le territoire indonésien. Or, on s'aperçoit que cette histoire, ces entités, ce n'étaient pas les Hollandais qui avaient confédéré cet immense archipel. C'est beaucoup plus ancien. Parce que déjà, donc, par exemple, sous le royaume de Sriwijaya et encore avant, cette notion d'être ensemble, d'être un archipel qui communique, existait. Et quand vous dites qui communique, c'est-à-dire c'est la même langue qui va relier toutes ces populations dans des îles éloignées ? Ben donc la langue qui était véhiculée pendant des siècles, c'était beaucoup le malais. C'est pour ça d'ailleurs que les Indonésiens à l'indépendance ont adopté le malais, parce que c'était peut-être la langue qui représentait pas fédératrice. Mais bon, peut-être qu'ils parlaient d'autres langues à l'époque plus ancienne. Mais c'est surtout que on s'aperçoit que la mer ne sépare pas dans ces archipels. Au contraire, elle unit. Et ça, pour nous, c'est très difficile à concevoir. Mais c'est pas une frontière, c'est la matrice. C'est le placenta dans lequel nagent les bébés qui sont les îles, qui naissent et puis qui peuvent disparaître à tout moment. Mais la mer, elle est là, elle tient tout ça ensemble. Et moi, ce qui m'a fascinée quand j'ai fait cette expédition pour nommer les îles dans l'est de l'Indonésie, c'est qu'on arrivait sur une petite île et les gens nous racontaient un mythe avec un héros. Et puis on parcourait pendant 2 jours, on a des pans de mer entiers, on se retrouvait sur une autre petite île et là, il nous racontait la suite de l'histoire ou une autre version de l'histoire avec des personnages un peu décalés ou différents, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout se tenait et c'était une époque où ils n'avaient pas encore des portables, des téléphones pour communiquer entre eux comme ça, donc ça prouve bien qu'il y a une histoire beaucoup très ancienne. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que ce maillage de ces îles qui tient tout le monde ensemble et qui font qu'ils ont une histoire commune, a été épousé aujourd'hui par, on appelle ça les cyber-citoyens, c'est ça, en Indonésie, qui ont épousé et qui se sont emballés pour tous les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. C'est un des pays qui est le plus présent. 70 millions d'utilisateurs de Facebook, Voilà, et récemment, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, est venu et il a rencontré le nouveau président en louant cette démocratie qui, effectivement, s'est faite en partie grâce aux réseaux sociaux. Et donc, c'est cette même manière, pour moi, c'est ma propre interprétation, j'y vois comme une sorte de nouveau maillage, c'est-à-dire que pourquoi spontanément les Indonésiens ont épousé ces médias, ces réseaux sociaux, ce maillage-là, parce qu'en fait, très anciennement, ils fonctionnaient comme ça aussi. Ça renvoyait à la géographie de leur pays. Absolument. Alors, comment ils ont réglé déjà le problème linguistique? Quelle est la langue officielle, mis à part le malais, en Indonésie aujourd'hui? C'est l'indonésien, Bahasa Indonesia. qui donc vient du Malais. Donc ça a été un peu un grand sacrifice pour les Javanais, parce qu'on dit que l'Indonésie était l'empire des Javanais, mais ils ont sacrifié leur langue pour faire leur empire, parce qu'ils étaient donc l'ethnie majoritaire, et je pense que c'est assez unique dans l'histoire d'un empire où l'ethnie principale sacrifie sa propre langue, y renonce pour faire l'unité du pays, il adopte une langue qui n'était pas la sienne. Donc maintenant, avec la chute de la dictature, le pays a été énormément décentralisé, il y a eu des provinces qui ont été créées, qui ont une énorme autonomie, ce qui crée des graves problèmes de corruption. La solution d'un problème provoque toujours un nouveau problème, donc il faut toujours chercher de nouvelles solutions, mais cette décentralisation a provoqué une grande autonomie, donc un moins grand contrôle du centre, et donc les langues régionales ont été remises au bout du jour, et le javanais a repris du poids et d'une façon assez originale d'ailleurs à travers le hip-hop. Le rap, c'est-à-dire que les jeunes se sont remis à chanter en javanais. Et d'ailleurs, il y a un hymne qui est consacré au nouveau président élu, Joko Widodo, qui est en javanais, un hip-hop javanais. Vous parlez de démocratie, Elisabeth De Inandiak. À quoi ressemble cette démocratie indonésienne aujourd'hui? Quel modèle? C'est un régime présidentiel avec le... Mais à l'américaine, à la française? Non, plutôt... Je dirais, enfin, le président est élu au suffrage direct, universel, donc c'est plutôt à la française, hein, mais il a peut-être moins de pouvoir que le président. Les parlements, parce qu'il y a des parlements centraux, des parlements régionaux, maintenant que c'est décentralisé, ont énormément de pouvoir. Mais donc ça a été donc ces élections extraordinaires qui sont passées en juillet là récemment, où le candidat qui s'appelle Joko Widodo, qu'on appelle Jokowi, a gagné les élections contre une coalition de gens extrêmement puissants reliés à l'ancien régime de la dictature et à toutes les grosses compagnies d'Indonésie, financière, minière, etc. Et il a remporté ça grâce aux réseaux sociaux, à des mouvements citoyens gigantesques et à ce maillage, à ce fameux maillage dont je vous parlais de cet archipel. Et s'il fallait les situer idéologiquement parlant, ces grands partis politiques indonésiens, qui a gagné aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'équivalent d'une gauche chez nous, ou de la droite, ou est-ce que ça se pose en ces termes-là, dans la démocratie et dans la représentation politique indonésienne? Non, ça se pose pas comme ça. Il y a les partis, donc là c'est plutôt les partis nationalistes démocratiques, c'est-à-dire ceux qui veulent qu'il y ait un État laïque, enfin laïque ou pluriethnique, qui se battent là-dessus, qui se battent aussi pour, on pourrait dire de gauche chez nous, mais le mot droite et gauche n'est pas utilisé du tout en Indonésie. C'est les pays, là, le président représente le peuple. C'est un nouveau mouvement, puisque ces mouvements citoyens, c'est nouveau que des citoyens puissent s'organiser comme ça directement grâce à ces réseaux. Donc ça n'a pas encore de nom. Moi, je pense que c'est un phénomène nouveau qui est ni à droite ni à gauche, mais c'est sûr que c'est un président qui privilégie les petites gens, la majorité des gens, le peuple, les gens, pas forcément les plus pauvres, mais les gens, quoi, la majorité des citoyens. Donc il se bat contre la corruption, qui veut plus d'égalité, qui fait des cartes médicales gratuites, l'école gratuite, alors que les autres en face sont des gens qui ont aussi capté les mouvements fondamentalistes musulmans et qui ont capté aussi, alors qu'ils peuvent être chrétiens, chefs de parti chrétien, mais ils captent toutes ces mouvements fondamentalistes musulmans, on ne peut pas les dire de droite ni de gauche, et puis les grosses entreprises, le gros business, etc. Et l'ancien régime de la dictature, qui était, oui, on peut dire que c'était un régime de droite parce qu'il a lutté, il a fait une chasse aux sorcières, aux communistes, mais ça ne se pose pas, on n'emploie pas du tout le mot droite et gauche en Indonésie. Demain, nous parlerons de l'Indonésie d'une autre manière, avec une autre optique, et toujours en votre compagnie, Elisabeth De Inandiak, l'Indonésie comme terre de désastres naturels. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Bonjour Ariski Belkacem. Bonjour, bonjour. Vous êtes musicien, compositeur de musique. On vous connaît parce que vous composez les musiques de votre épouse Brigitte Fontaine. Ce qu'on sait moins, c'est que vous chantez aussi, que vous avez enregistré il y a un peu plus d'une quarantaine d'années votre premier album, Un bon matin, qu'il y a un peu moins de 2 ans, vous avez aussi enregistré votre deuxième album, Le Triomphe de l'amour. Et on vous a vu cette année au Festival d'Angoulême, le Festival de la bande dessinée, dans des concerts dessins, où vous avez interprété vos dernières chansons, dont une qu'on va écouter tout de suite, Je vous écris d'un pays. Alors cette chanson, qui a beaucoup marqué les esprits pendant le Festival d'Angoulême... Ah bon ? Ah oui. Ah bon, je ne savais pas. Cette chanson-là, vous l'avez écrite et composée avant les événements du 7 janvier, mais après ces événements, cette chanson prend une toute autre signification. On l'écoute. Je vous écris d'un pays de couleurs, de saveurs, d'odeurs. Où le gris c'est la vie aussi. Je vous écris d'un pays aux lueurs douces de l'étrange, de l'autre inconnu comme un ange. Je vous écris d'un pays troublant et pourtant noir et blanc. De doute, mais vivant. Un pays, je vous écris d'un pays. Ariski Belkacem, quand vous avez écrit cette chanson, vous étiez parti d'un sentiment, d'une envie de raconter quelque chose. C'est quoi l'histoire de cette chanson? Ah, c'est une drôle d'histoire. Ben écoutez, cette chanson, voilà comment je l'ai écrite. Je l'ai écrite en me disant. Que le gris, c'était très beau aussi. Tu sais, les gens critiquent le gris quand on voit qu'il fait gris et tout ça. On dit, ah, c'est gris, il fait pas beau et tout ça. Non, moi je trouve que le gris, c'est très délicat, très fin. Donc c'est une ode à Paris, une lettre d'amour à Paris, une déclaration d'amour à cette ville et, ou à ce pays aussi? Non, c'est un pays intérieur. Ce n'est pas un territoire géographique dans lequel habiterait un peuple qui aurait un chef et une administration. Là, c'est moi qui fais tout dans mon pays. Voilà, c'est ça. Et puis c'est aussi suite à une conversation que j'avais eue avec un dessinateur de bande dessinée, là, qui s'appelle Kamel. Kamel Khalif de Marseille. C'est ça. Kamel Khalif de Marseille, exactement. On avait eu une discussion sur le noir et le blanc dans le dessin. Sur ce qui faisait un lien dans tout ça. Et il m'avait bien convaincu de sa perception du dessin. Et ces BD sont magnifiques d'ailleurs. Et en fait, je me rendais compte qu'il me parlait d'un pays qui était un pays intérieur, qui était le sien, finalement. Bon, cette personne est algérienne, mais à aucun moment j'ai pensé... au terrorisme. Oui, mais Kamel Khalif, pour revenir à ses bandes dessinées, il raconte ce pays d'origine qu'il n'a jamais connu, puisqu'il a quitté l'Algérie à l'âge de 6 ans, qu'il a toujours vécu à Marseille, en France, ce qui n'est pas non plus votre histoire. Ariski Belkacem, vous êtes né à Versailles. Oui, c'est pas du tout mon histoire, Mais je pense qu'il ne me parlait pas d'un pays géographique. Je pense qu'il me parlait de ce qu'il habitait, lui. Et ça coïncidait parfaitement avec ce que je pensais. Et donc, je me suis mis à écrire cette chose qui a fini par devenir ce qu'elle est, mais sans aucune idée de quoi que ce soit. Juste dire les choses comme je les ressentais. Tout bêtement. Vous n'êtes pas du genre de manière à écrire des chansons à texte ou à message ? Je sais pas, moi je refuse pas d'écrire des choses à message, je crois que j'en ai jamais fait, mais ça pourrait arriver. J'ai pas d'a priori là-dessus, non, absolument pas. Et non, je préfère l'univers poétique. Je crois que c'est plus solide, à mon avis. Et qu'est-ce que ça vous fait d'interpréter, d'être chanteur à Rizky Belkacem ? Pour moi, c'est pareil que de jouer. C'est exactement la même chose. Sauf que quand on joue, on s'exprime avec un instrument. Quand on chante, on s'exprime avec sa voix et des mots. Mais finalement, pour moi, les émotions sont les mêmes. C'est pareil. Et pourtant, ces dernières années, vous revenez à la chanson en tant qu'interprète. Moins de 2 ans après le Triomphe de l'amour, vous êtes en train de préparer donc un nouvel album avec cette chanson et d'autres. Oui, un nouvel album qui s'appelle Passage des désirs. Et je dois dire que j'aime beaucoup cet album. Parce que finalement, c'était un pari qui n'était pas du tout gagné. Enfin, c'était même pas un pari. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais faire un disque tel que moi je ressentais et non pas, je voulais pas répondre à une chose de commerce, de maison de disques, de choses comme ça, bien que de toute façon on est bien obligé d'en tenir compte. Mais c'est-à-dire que vous l'avez enregistré dans votre maison, chez vous, dans votre home studio ? Ouais, en partie, oui, j'ai fait ça en partie. J'ai commencé par faire une première épreuve, appelons ça comme ça. Oui, comme j'ai pu. Et une fois que ça m'a semblé tenir debout, eh bien je l'ai présenté à Jean-Philippe Allard, qui est le directeur des éditions Universales, là. Eh bien, il n'a pas hésité, il m'a dit on le fait. Alors évidemment, j'étais ravi. Parce que je n'ai pas eu à lutter pour présenter quoi que ce soit. Il faut dire que c'est un homme qui aime la chanson, qui aime la musique. Et que je préfère travailler avec des gens qui savent de quoi ils parlent, quoi. Lui, il m'a dit, bon, ce disque est complètement à contre-courant, mais j'ai envie qu'on le fasse. Est-ce que vous avez fait ce disque un peu comme vous faisiez Un bon matin, ou les premiers disques avec Brigitte Fontaine ? Oui. Je crois que je peux dire oui sur toute la ligne. Parce que j'arrivais en studio que quand j'en avais envie. Je n'enregistrais que quand j'avais quelque chose à dire. Alors évidemment, c'est un minimum. Il n'y a pas beaucoup d'instruments, j'ai quasiment joué tous les instruments. Mais enfin, j'ai fait venir quelques amis musiciens qui collaient bien avec ce qui se passait là et qui me connaissent bien et que j'ai été vraiment ravi de ce qui s'est passé pour ce disque. Voilà. Et quand on sort de cette bulle musicale de création à Rizky Belkacem, mmh. Vous qui êtes né à Versailles, oui. de parents qui étaient déjà mélomanes puisqu'ils tenaient un café où il y avait des grands chanteurs chabis. Oui, j'étais vraiment très enfant. Hein. J'avais entre 6 et 10 ans et 12 ans. Vous qui avez fait toute votre carrière dans la musique, y compris en allant au marché des musiciens, vous m'avez raconté cette histoire, il y avait vraiment un marché des musiciens ? Ah oui, il y avait un marché des musiciens qui se tenait à Pigalle. C'est-à-dire où tous les musiciens allaient se retrouver ? Oui, se retrouver là, et puis, par exemple, si vous aviez... si on vous demandait de venir jouer dans tel endroit avec un orchestre, tout ça, vous choisissiez les musiciens qu'il y avait là. Et bon, on se connaissait tous, hein, à peu près, quoi. Mais ça n'existe plus, ça, c'est bien dommage. J'aimais bien ce rassemblement. Je crois que ça avait lieu le mercredi soir. Je crois, oui. Et puis, bah, on allait jouer le vendredi, samedi, quoi, dimanche. Ben, il y avait tout, il fallait avoir un répertoire qui était celui de... Ou un répertoire, comment on appelait ça? Un répertoire de brasserie ou un répertoire de bal. Parce qu'il y avait des bals à l'époque, il n'y avait pas les boîtes là, avec les sonos et tout ça, c'était des musiciens qui avaient. Et c'est comme ça que vous avez appris la musique ou... J'ai jamais cessé d'apprendre la musique, je l'apprends encore la musique. Mais ouais. Comment êtes-vous arrivé Je faisais des remplacements à la batterie de personnes, par exemple, qui devaient venir et qui ne pouvaient pas, par exemple. Ils m'appelaient pour les remplacer dans tel lieu. Et comment vous avez appris à jouer de la batterie, puisque c'est votre premier instrument avant de passer aux cordes? Comme tout le monde, avec un batteur qui m'a fait faire des exercices techniques. Les premiers, on appelle ça le papa-maman. Où ça, à Versailles? Oui, à Versailles. Et c'est vos parents qui vous ont inscrit à ce cours? Pas du tout. C'est moi qui avais repéré ce batteur dans différents endroits. Et un jour, je lui ai demandé de m'apprendre et il m'a dit oui. Alors j'y allais le dimanche matin. Et voilà comment je faisais. J'ai appris comme ça, puis après j'ai appris la musique. Après, j'ai été militaire, j'ai été dans l'orchestre. Dans la fanfare militaire, là. J'étais tambour. On faisait de la musique toute la journée, quand même. Hein. On avait un capitaine qui était très dur. Il était commandant. Commandant. Et il nous faisait passer des auditions toute la semaine sur notre travail. Et puis, on répétait les morceaux. Ça allait de la Marseillaise à... Là, le général qui passe, puis les marches napoléoniennes et tout ça. C'est très intéressant, finalement, à travailler, ça. Allez, pour terminer, on reprend la chanson. Je viens d'un pays qui s'appelle un pays et qui sera bientôt dans votre... qui sera bientôt disponible. Vous la jouez sur scène. Oui. L'album, c'est pour la rentrée? Moi, j'espère que ça sera pour le printemps. J'aurais bien envie. Je vous écris d'un pays de couleurs, de saveurs, d'odeurs, où le gris c'est la vie aussi. Je vous écris d'un pays de couleurs, de saveurs, d'odeurs, où le gris c'est la vie aussi. Merci Ariski Belkacem. Je vous remercie. C'était Un autre jour est possible, à retrouver sur franceculture.fr, iTunes ou les réseaux sociaux habituels. Et vous pouvez bien sûr laisser vos commentaires, vos suggestions, vos remarques et même vos reproches en passant par les réseaux sociaux tenus par Sacha de Persin. Un autre jour est possible, une émission réalisée par Thomas Duterre. J'espère vous retrouver demain. Bonne matinée.